Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Guimauzo pour l'émission La parole est à vous. Alors, on a un invité aujourd'hui, hein, François Renard, et on va parler d'un matériau novateur qui devrait être lancé bientôt sur le marché, qui contribue bien sûr à éviter les déforestations un peu partout dans le monde, d'une part, et puis d'autre part, bon, à promouvoir un matériau qui, finalement, est un matériau de récupération par rapport au riz. Bonsoir. Bonsoir François. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Non, oui. Tout de suite, vous dire quand même qu'on risque à un moment donné d'avoir une émission quelque peu décousue, puisque on a voulu, enfin j'ai voulu donner la parole à ceux qui sont bien sûr en ce moment sur les barrages, hein, c'est-à-dire les gilets jaunes, qui viennent un peu nous expliquer, non pas tellement leur action, hein, puisque elle est connue par les grands médias, mais surtout l'action locale en tant que telle, hein, puisqu'il s'agit de personnes qui sont en ce moment au barrage, au rond-point de le syndicat, et puis les perspectives d'avenir de ce mouvement qui continue malgré les difficultés. Voilà, donc ils prendront la parole quand ils arriveront. Hein, je pense que ce sera au cours de cette émission. Voilà, on va parler de François Renard. D'abord, avant tout, avant de parler du matériau, oui, on dit comme ça, le matériau dont ils veulent faire aujourd'hui la promotion. Et à juste raison. Alors, comment en es-tu arrivé, finalement, à promouvoir ce type de produit dont on va parler longuement ? Quel est un peu ton parcours dans le bâtiment ? Ça c'est une longue histoire, parce que moi, avant, je travaillais dans le milieu de l'agroalimentaire. Et puis un jour, en parlant... Quel secteur de l'agro ? Tout ce qui était fruits et légumes déshydratés pour l'industrie. D'accord. Voilà. Et un jour, j'étais en communication avec un Vietnamien qui habite à Los Angeles. On parlait justement d'achat de riz pour l'industrie agroalimentaire française. Et puis, à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, il nous a mis un petit peu... Mais enfin, ça date déjà pas mal de temps. Ça date au moins d'une 7 ou 8 ans. Et à ce moment-là, on a commencé à extrapoler sur pas mal de choses. Et puis, il nous a dit « Ah, mais je ne sais pas si vous êtes au courant, mais avec la cosse de riz... on peut inclure ça, effectivement, pour fabriquer des lames composites. Alors, il avait commencé à me parler de plusieurs entreprises suédoises, le groupe Tropic Dan, et puis d'autres sociétés en Allemagne qui utilisent divers liants sur lesquels on va mettre des charges pour faire des lames composites et des bardages composites. Et puis, moi, je me suis intéressé un petit peu à cette affaire parce que je me suis dit, on récupère un produit, la cosse de riz, qui n'a pas besoin d'être déshydratée, contrairement à certains autres matériaux, et qui plus est, et c'est ça qui est intéressant. Et qui devient quoi si jamais il n'est pas réutilisé ? Alors, si ce n'est pas réutilisé, principalement dans les pays producteurs, ils s'en servent dans le bâtiment pour remélanger avec du ciment, pour faire de l'isolant, ou ni plus ni moins pour faire ce qu'on appelle plus ou moins du biocarburant. Ça brûle très bien d'ailleurs. Ouais, ça brûle très bien. Hein, vous mettez par exemple de la cosse de riz qui a brûlé, vous l'incorporez sur de la chaux vive, sur de la chaux pour faire du ciment avec tous les aléas chimiques que ça appelle, et on renforce la qualité du ciment. Voilà. Mais bon, on n'en est pas là. Donc si vous voulez, moi, ce qui m'a plutôt intéressé, c'est le fait qu'on n'avait pas besoin de passer par des procédés de déshydratation. Donc là, ça fait quand même de l'énergie en moins. Et puis, la cosse de riz est chargée en silice. Elle est chargée en silice, donc comme je le disais. Et ce qui a pour avantage d'assurer et d'amener une certaine stabilité dimensionnelle au produit pour lequel on a rajouté une charge. Donc, par exemple, si on emploie pour faire des lames composites, c'est ce qu'on fait, nous, au niveau de l'entreprise, quand on utilise du polyéthylène, parce que nous, on n'utilise uniquement que du polyéthylène, pour une raison très simple, c'est que le polyéthylène, vous pouvez le recycler à vitam aeternam, pour ainsi dire. Bon. Oui. Donc, on utilise du polyéthylène, on lui rajoute une charge qui est la cosse de riz, donc réduite en poudre. Là-dessus, on rajoute aussi du carbonate de calcium, on peut aussi rajouter du dioxyde de titane pour lutter contre les UV, rajouter certains adjuvants, certains colorants. Et là, on obtient des lames qui ont une stabilité dimensionnelle. Du dioxyde de titane qui a une mauvaise presse au point de vue alimentaire, entre parenthèses. Ouais, mais on s'en fiche, on n'est pas là pour manger les lames de composite. De trucs, donc, mais non, on ne s'en sert pas du tout dans le domaine alimentaire. Oui, Oui, effectivement, parce que le dioxyde de titane va vous avaler les UV. Donc, on a, sur les composites de qualité, vous mettez du dioxyde de titane, et puis vous avez tout à fait vous avez ce qu'on appelle un produit qui ne va quasiment pas bouger aux UV. Parce que ce soit une peinture de voiture, que ce soit n'importe quoi, vous avez ce qu'on appelle l'oxydation par la lumière. Et ça, on n'y peut rien, ça existe, on ne peut pas l'éviter. Donc, ce qu'on peut faire, par contre, on a certains produits pour diminuer au maximum la charge des UV et avoir des lames composites et des barrelages composites qui soient de très très bonne qualité. Voilà. Donc, alors, ce qui nous a amené, si vous voulez, sur le fait de travailler sur ce matériel, pour principalement le bâtiment, pour l'aménagement des aires de jeu, pour tout ce qui est base de loisirs, pour tout ce qui est, par exemple, ponton nautique, on a des applications qui sont innombrables. Bah, c'est surtout... Et les particuliers. Et les particuliers aussi, oui. Et les particuliers, bien entendu. Ce qui nous a amené à travailler ce produit, c'est que, bah, d'abord, nous, ça permettait, à terme, de lancer une affaire, parce qu'il y a un créneau sur le marché, parce qu'il y a possibilité, d'avoir... des créations d'emplois, et puis surtout à terme, nous on espère pourquoi pas le faire fabriquer ici en France. On est déjà en pourparlers avec certaines organisations régionales ici dans le Grand Est pour pouvoir mettre en place une chaîne de fabrication pour justement fabriquer ces composites. Voilà. Oui, alors... Parce que pour l'instant ils sont fabriqués en Asie. Ça pose plusieurs questions. Hein, ouais. La première, ces causes de risque sont... C'est quelle partie du riz parce qu'on engage aussi, quelquefois, les gens à manger du riz complet. Bon. Ce n'est pas cette écorce-là. Non, c'est l'écorce qui est encore supérieure. C'est ce qui entoure le fruit lui-même. Et cette écorce, elle est très, très chargée en silice. Et nous, on la récupère pour l'employer dans nos associations avec le polyéthylène. Alors, actuellement, comme je le disais, je reviens un peu en arrière, malheureusement, on ne peut pas encore les fabriquer ici parce qu'il y a tout un procédé technologique. Et puis en France, évidemment, c'est pas forcément toujours évident. Donc là, je l'ai fait fabriquer au Vietnam, chez un ami qui est franco-vietnamien. Et à partir de là, bon, on est fourni, si vous voulez. Mais bon, ça serait bien quand même de faire un cocorico puis de marquer sur nos planches Made in France. Ça serait quand même plus sympathique à terme, je pense. Et les causes de riz... Est-ce que vous avez présenté votre projet de promouvoir ce matériau à des industriels, à des artisans français? On l'a déjà. Alors, c'est pas la dimension artisanale. Il faut vraiment la dimension industrielle. Le problème, vous savez, c'est comme un petit peu les nouveaux médicaments, les antibiotiques. On est très méfiant au départ ici en France. Tout ce qui sort un petit peu de l'ordinaire des sentiers battus, ça éveille la méfiance et puis pas forcément une curiosité bienveillante. C'est « Oh là là, mon Dieu, mais quel est ce produit ?» etc. Alors ce qui est quand même assez amusant, c'est qu'on a eu des bons échos de la part de certains distributeurs dont je tairai le nom, mais des distributeurs vraiment professionnels, hein, je parle, hein, pas des vendeurs qui font la publicité à la télévision. Vous verrez un peu de qui je veux parler. Je vais pas les citer, sinon je vais me faire attaquer. On les a proposés, on est en pourparlers avec certains distributeurs vraiment professionnels, on est en pourparlers, on les présente aussi à des architectes du bâtiment, à des architectes paysagistes, on est en train de faire toute une campagne de publicité auprès de les campings, des aires de loisirs, les sociétés qui font de l'aménagement, tout ce qui s'ensuit. Il y a un marché, il y a une zone de champ de loisirs qui est énorme. Hein. Oui, mais est-ce que la demande suivra la... Est-ce que la fabrication suivra la demande? Oui, ben ça, de toute façon, on n'arrivera jamais à produire 1000 m² tous les jours, il ne faut pas arriver. Ah oui. Bon. Alors question, comment vous envisagez les choses à l'avenir? Ah ben, on va racheter tous les concurrents, il n'y a pas de problème. Non. Ce qu'il faut savoir, c'est que, pour l'instant, les lames composites sont un petit peu en retrait du marché. Pourquoi? Parce que, pendant pas mal de temps, il y a eu un petit peu tout et n'importe quoi qui a été fait sur ce marché. Bon, il y a beaucoup d'esprits soi-disant bienveillants qui ont apporté leur science, qui était totalement égale à zéro, qui n'y connaissaient rien et puis qui, en fin de compte, ont vendu tout et n'importe quoi. Bon, c'est ce qui a fait que les gens sont devenus un petit peu rédhibitoires dans un premier temps. Et maintenant, la grosse mode, c'est d'avoir soit des terrasses ou des bardages avec du bois autoclave, ou ni plus ni moins d'avoir des terrasses avec de l'IPE. Bon, l'IPE qui est un bois exotique qui vient, il y en a sur l'Amérique du Sud. Parlons justement de ce bois exotique. Ouais. Parce que là, même si c'est des forêts gérées prétendument écologiquement parlant, on peut quand même avoir des doutes. participe quand même quelque part un peu à la déforestation. Ben, en sachant qu'à contrario aussi, ben, ces pays-là, ils ont besoin aussi de vendre des matériaux. Hein, le principal, c'est le renouvellement de la forêt. Est-ce qu'on est sûr que ces matériaux-là vont bien dans un sens écologique des choses ? En principe, oui. Mais en termes pratiques, quand les coupes de bois sont faites, vous n'êtes jamais sur terrain pour vous assurer à savoir comment elles sont faites et si elles sont faites. C'est pas des black et toc, comme on dit chez nous. Oui, voilà. Et savoir si effectivement les coupes de bois ont été faites dans les bonnes parcelles. Voilà, tout ce qu'on peut dire. Moi, je sais, non pas par expérience, mais par ce que l'on m'a raconté, pour avoir pas mal d'amis qui ont exercé, enfin, qui ont eu l'occasion de travailler en Afrique, ils me disaient, bon, les Africains sont des gens charmants, il n'y a pas de problème, ils sont super sympas, il y en a qui savent mettre les choses bien comme il faut, puis ils en avaient d'autres. Ben, à chaque fois qu'ils peuvent essayer de braconner, d'abattre des arbres, et puis de les revendre sous le manteau, en filant des faux certificats de forêt durablement protégée, etc., etc., bon, mais attention, en Afrique, il n'y a pas non plus que des bandits, hein, faut bien le dire. Hein. Mais bon, on est sûr de rien. On est sûr de rien, c'est ça le problème, c'est que vous avez des pays, des organismes qui vont avoir des tas de certifications, PEFC, tout ce qu'on veut, enfin, bref. Et si vous n'êtes pas présent sur la coupe... Il y a même de l'huile de palme. Oui, oui, tout à fait. Rien. Voilà. Tant que vous n'êtes pas présent sur les coupes, vous ne pouvez pas attester formellement. Vous savez, c'est un peu comme l'histoire des vêtements qui sont fabriqués au Bangladesh ou dans d'autres pays. Certains grands distributeurs en France ont dit « Mais non, vous inquiétez pas, ça va très bien. Ce n'est pas des enfants qui fabriquent. C'est fabriqué dans d'excellentes conditions. » Mais on n'était pas sur place pour voir comment ça s'est passé. C'est valable pour les chaussures, c'est valable pour les vêtements, c'est valable pour des jouets. Tout à fait. Donc nous, ce qui nous a paru, si vous voulez, intéressant dans cette démarche, c'est que d'abord, le polyéthylène, pour ce que nous en faisons, on peut le recycler avec toutes les charges extérieures qu'on met, la cosse de riz, le carbonate de calcium et tout ce qui suit. Et qui plus est, tout se recycle dans ce matériel. Tout se recycle. Ah oui, le polyéthylène se recycle très, très facilement, contrairement au PVC, qui lui, par contre, présente des problèmes. Bon, la combustion du PVC dégage. C'est dramatique, ça. Des gaz qui sont très dangereux. Ah oui, tout à fait. Hein, des fulmines, des chlorates, enfin bref. Et l'avantage, c'est qu'on peut faire d'une pierre deux coups, dans le sens qu'on a déjà pris des contacts avec les riziculteurs qui se trouvent en Camargue. Et là, on pourrait, pourquoi pas, faire d'une pierre deux coups, comme je le disais, réemployer leur cosse de riz et effectivement s'en servir ici pour la fabrication. Mais bon, vous savez le problème, hein, c'est que... Mais vous avez des, on a déjà des contacts avec on a déjà des très, très bon contact, là, qui pourraient éventuellement fabriquer ce type de produit. En fait, c'est ça que j'ai là-dedans. Exactement. On peut trouver de la cosse de riz en Italie, on peut trouver de la cosse de riz en Espagne, dans le secteur de la Costa Brava. Bon, ils en cultivent, hein, du riz d'abord. Hein. Et puis la Camargue, bien sûr. Et puis la Camargue. Donc, il y aurait possibilité, pourquoi pas, de faire d'une pierre deux coups et donc d'avoir deux activités qui soient complémentaires. Et ça ferait travailler des gens, en plus. Bien sûr. Voilà. Alors... Attention, une entreprise... Et ça éviterait certainement une déforestation exagérée. Oui, parce que tout à fait. Quand on parle du réchauffement climatique, on oublie souvent, on a la responsabilité sur les automobiles. Bien sûr. C'est vrai, mais on oublie complètement la déforestation au niveau des grandes forêts d'Amazonie, d'Afrique et autres, qui absorbe du carbone, qui permet de rétablir un équilibre écologique, et puis qui permet de lutter aussi contre le réchauffement climatique. Ça, on l'oublie souvent allègrement pour se fixer sur un seul problème. Tout à fait. Bon, attention, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut condamner la filière bois vosgienne. Certainement pas. Ben non, certainement pas. Parce qu'ici, on sait gérer nos forêts. C'est quand même très bien surveillé. Oui. Il faut le reconnaître. Bon, même si de temps en temps, il y a une coupe de travers. Bon, mais c'est vraiment une minorité. C'est une goutte d'eau dans c'est une bassine. C'est des particuliers, d'ailleurs. C'est pas l'OMS. Tout à fait. Bon, parce que... C'est pas le domaine qui... Tout à fait. Bon, la filière bois qu'on a ici, à proprement parler, dans les Vosges, vous en avez aussi Massif Central, Alpes et tous ces coins-là. Bon, ça procure de l'emploi. Et puis, il faut savoir qu'une forêt, il faut la renouveler. Il faut la replanter. Bon, ça permet de... On refait le cycle de la nature. Hein. Vous savez, on n'a rien inventé. Hein. Bon, et ben, à partir de là... Le bois, oui, vous pouvez construire des maisons, vous pouvez effectivement construire des terrasses, mais ce n'est pas ce qu'on appelle du bois employé à outrance, c'est ce qu'on appelle de la gestion raisonnable. Oui. Voilà. C'est de la gestion raisonnable. Bon, alors, est-ce qu'il faut remplacer toutes ces terrasses en bois par du composite? Moi, je serais tenté de dire, c'est un petit peu suivant l'avis de chacun. Bon, le bois va présenter... Et pourquoi pas. Bon, le bois va présenter certains caractères par rapport... Enfin, caractères visuels, caractères de douceur par rapport au composite. Quoi, dans les composites, on a quand même fait pas mal d'efforts. Et puis l'autre vous diront, ben non, moi, je ne veux pas de bois, je ne veux pas de composite, je veux mettre ni plus moins que de la pierre reconstituée. Vous savez, hein, tous les goûts sont dans la nature. Hein. Mais nous sommes arrivés sur le marché avec ce composite fait à base de balles de riz. Je crois qu'on doit être deux en Europe à commercialiser ce genre de produit. Il y a un Allemand et puis nous. Je voudrais faire une réflexion personnelle par rapport à la gestion des forêts vosgiennes, puisque il y a quand même deux choses qui sont quand même troublantes dans cette gestion. La première, la manière dont on coupe le bois aujourd'hui, avec les dégâts que ça cause en forêt, hein, c'est-à-dire c'est la rentabilité avant tout, avec ces énormes machines qui envahissent les forêts. Déjà, et puis la deuxième chose, j'ai interviewé longuement lors de mes émissions des forestiers, en particulier ceux qui véritablement ont une préoccupation écologique, qui font partie de Vosges Nature Environnement, en disant aujourd'hui on est à saturation quand même, on ne peut pas exploiter la forêt vosgienne plus que ce qu'on l'exploite actuellement, sans risquer d'avoir des phénomènes irréversibles. Aujourd'hui, elle est bien exploitée, de manière rationnelle, de manière écologique, la plupart du temps, mais encore faut-il quand même ne pas trop exagérer, parce que la forêt vosgienne, on demande beaucoup de choses, on demande des plaquettes, ça va directement à la fabrication des granules pour les poêles, la charpente, bien sûr, les planches, etc. On a quand même valoriser pas mal la forêt vosgienne, mais aujourd'hui, on est arrivé quand même à une exploitation qui est presque maximale aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut peut-être chercher aussi des matériaux, parce que finalement, on n'a pas besoin de planches pour parcher dessus. Hein, on a besoin de planches pour construire des maisons, des poutres pour construire des maisons. On n'a pas forcément besoin de planchers pour marcher dessus. À part à l'intérieur des maisons, bien entendu, on peut très bien avoir du bois, des composites de bois à l'intérieur des maisons. Mais quand il s'agit de terrasses et autres... On peut utiliser certains avantages des matériaux composites. Vous savez, la forêt, hein, c'est ce que c'est ce que j'allais dire. Hein. C'est comme une jolie fille, elle ne peut pas vous donner plus que ce qu'elle a. Hein. Bien sûr. Bon, mais une forêt, ça s'entretient quand même. Une forêt, il faut quand même l'éclaircir, il faut quand même la renouveler. Bon, c'est pour ça que la filière bois dans les Vosges, à mon sens, n'est pas du tout condamnée. Très loin de là, d'ailleurs. Elle est d'ailleurs exploitée pratiquement au maximum aujourd'hui. Oui, c'est possible. Bon, j'ai pas vraiment de chiffres. Bien sûr, ce qu'on peut déplorer, c'est que c'est des grosses unités, la plupart du temps, qui sont même éloignées du massif vosgien, qui vont exploiter la forêt. Ça, on peut le déplorer. On peut déplorer le manque d'initiatives locales avec des scieries à taille humaine, etc. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est sous-exploité. Non, tout à fait. Mais quand on fait des composites traditionnels, parce que le composite, pour faire les lames, c'est un brevet japonais, mais alors qu'il est sorti il y a pas mal de temps. Bon. Et ces fameux composites utilisent de la poudre de bois. Généralement, c'est du hêtre ou du frêne, je crois. Et ce qui est embêtant, si vous voulez, c'est que vous pouvez mélanger plusieurs essences en même temps. Ça, vous ne le verrez pas. Tandis que si vous utilisez de la balle de riz, c'est le nom scientifique, si vous utilisez de la balle de riz, là, vous saurez vraiment que c'est la balle de riz, il n'y aura pas une mélange. Bien sûr. Donc c'est quand même une certaine sécurité que nous avons à ce niveau-là. Bon. Et puis en même temps, ça permet la rentabilité du produit, en quelque sorte. Et ça permet effectivement la rentabilité du produit. Avec la réutilisation de déchets. Ah, tout à fait. C'est clair de l'agriculture. Alors, c'est pour quand? Alors, comment ça se passe pratiquement aujourd'hui pour vous contacter? Parce que je suppose que parmi nos auditeurs, il y a des personnes, bien sûr, des particuliers qui veulent peut-être faire une terrasse. Il y a des artisans, il y a des commerçants qui voudraient commercer ce type de produit. Comment ça peut se faire aujourd'hui? Écoutez, pour l'instant, là, on est en train de voir avec différents distributeurs professionnels. On va aussi passer par l'intermédiaire d'architectes paysagistes et d'architectes du bâtiment. Bon, bah, pour nous contacter, je ne sais pas si on a le droit de faire la publicité. Vas-y, vous pouvez. Oui, bon, bah, on a un site. Ça, c'est de la formation, ce n'est pas de la publicité. Oui. Parce que pourquoi produit ? Pour faire la promotion d'un produit, bien sûr, il y a des circuits commerciaux. Mmh. Et on est bien obligé de les évoquer sans pour autant faire de la publicité pour l'un ou pour l'autre. Ils peuvent déjà se renseigner sur notre produit. Donc, ils vont sur Internet, sur le site Internet, et ils tapent Arkans, A-R-K-A-N-S, arkans.fr. Et là, ils vont trouver effectivement notre site Internet qui va leur expliquer un petit peu tous les tenants et les aboutissants. Et notre démarche, la démarche que nous avons voulu appliquer, qui nous semble une démarche tout à fait raisonnable. Mais attention, c'est pas de l'angélisme non plus quand on parle de faire de l'écologie. Il y a aussi un caractère économique, il faut le reconnaître. Ne soyons pas idiots. Mais si c'est bien fait, je pense qu'à terme, ça sera certainement générateur d'emplois. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'à l'heure actuelle, si on prend le marché des lames composites et des barrelages, mais surtout des lames composites et des claustras, il y a une très très grosse entreprise en France qui se trouve en Bretagne, qui a, je crois, raflé plus de 50 ou 60% du marché. Vous en avez quelques-uns qui sont en matériaux composites, oui, pour faire des lames et des barrelages. Et puis vous en avez quelques-unes qui sont à droite et à gauche. Puis vous avez aussi, surtout, beaucoup d'importations. Alors il y en a même un qui a sorti des composites à base de polyéthylène et papier de récupération. Mais bon, je crois que ça n'a pas très très bien marché, leur affaire. Mais bon, faut essayer, qu'ils ne tentent rien à rien. On est bien d'accord. Mais nous, pour la petite histoire, notre matériau, quand on l'a mis au point avec l'aide d'un ingénieur chimiste... Bon, déjà l'ami qu'on a au Vietnam qui nous l'a fait faisait ce genre de produit. On a renforcé le produit en rajoutant d'autres charges sur le polyéthylène. Et on a demandé un jour, j'ai téléphoné directement au lycée Malraux. J'ai demandé le chef de travaux de la section bois s'il pouvait me faire une étude de stabilité dimensionnelle. D'ailleurs, je tiens à remercier le lycée Malraux parce qu'ils nous ont permis d'avoir un éclaircissement vraiment véritable sur la chose. Et le chef de travaux, quand il a vu ça, effectivement, bon, il nous a dit « Oui, ça, c'est quand même quelque chose de qualité. Je raconte pas de blague, on peut vérifier. » Comment ? L'estime, non. Non, je n'ai pas été jusque-là parce que c'est pas du bois. Non, mais on n'est pas dans le bois, nous. Oui, vous n'êtes pas dans le bois. On n'est pas dans le bois. Le FCBA n'a rien à voir avec nous, par exemple. On n'a pas du tout. On avait une fois téléphoné au CSTB pour savoir quels étaient. Qui est le centre technique scientifique du bâtiment. Qui est proche des végétaux, forcément. Oui, mais bon. Il y a un de ces organismes qui nous a répondu. Est-ce que c'est du bois, votre matériel ? On a dit non, notre matériau, c'est pas du tout du bois. Voilà ce que ça utilise. Ah, bah, c'est pas du bois, on peut pas s'en occuper. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est pas moi, c'est l'autre. Ils ont leur créneau, ils peuvent pas beaucoup en sortir. Voilà, c'est uniquement que du polymère. Bon, et en plus de ça, bon, il faut bien s'assurer. C'est une forme de polymère. C'est pas le polyéthylène, c'est un polymère. Il n'y a pas que le polyéthylène là-dedans, il y a aussi... Certains adjuvants, comme du carbonate de calcium, il y a du dioxyde de titane, et puis d'autres choses qui viennent s'ajouter là-dedans. Tout ça, c'est mélangé au niveau des extrudeuses, et puis ça vous sort ensuite un produit fini, bon, qui est prêt à être commercialisé. Voilà en gros comment ça se passe. Hein. Mais bon, quand donc on sera... on peut quand même vous contacter. On peut nous contacter. On peut vous contacter et puis voir exactement. En sachant que pour le moment, c'est surtout vietnamien. Quoi. Bah, pour l'instant, on le fait fabriquer au Vietnam. C'est l'économie locale du Vietnam qui peut se servir justement de ces déchets de balles de riz pour... Tout à fait, parce qu'ils ont du riz à profusion. Pour fabriquer leurs propres matériaux. Voilà, je crois que... Là, il ne s'agit pas d'exportation de produits qui pourraient être fabriqués en France, pour le moment du moins, puisque comme tu le dis, tu l'as souligné, ben, votre but est aussi de faire fabriquer en France, au moins de faire fabriquer en France, de créer de l'emploi. Une partie de ces matériaux avec le concours d'industriels qui voudront bien... Il faut créer de l'emploi, il faut faire du chiffre, il faut gagner des parts de marché, parce qu'à l'heure actuelle, l'économie, ça se fait sur des parts de marché qui sont gagnées. Hein, vous savez, l'angélisme en économie, moi, j'ai jamais franchement cru. Hein. Je veux pas dire non plus qu'il faut aller casser la figure aux voisins d'en face, mais bon, vous savez, le concurrent, si lui, il peut vous prendre des parts de marché, il va pas se gêner, il va pas vous demander votre autorisation. Bon, donc il y a des parts de marché à prendre. Il y a d'ailleurs des industries qui polluent la planète et puis qui ont pour alibi, à côté de ça, de verser à des fondations tout ou à autres. Tout à fait. Je ne citerai personne, mais bon, voilà. Et puis surtout, une chose qui est très intéressante pour notre économie, prendre aussi des parts à l'export. Ça, c'est très important. Si on ne prend pas de part à l'export, à terme, c'est la mort de l'industrie en France. Moi, je l'ai toujours pensé. Il y a certains qui ont vu le problème autrement, mais non, il faut absolument prendre des parts à l'export. Ça, c'est inéluctable. Donc à terme, tu penses qu'on pourra fabriquer au moins partiellement ce produit en France? Ah, tout à fait. Oui, non, mais ça, c'est en cours. Il y a déjà des contacts. Il y a déjà des contacts, des négociations très, très bien avancées. Non, de bon espoir. Mais il faudra de toutes les manières fabriquer en France à terme. Vous dire quand, je ne sais pas, mais il faudra le faire. Eh bien, merci François. Je vais simplement te demander de rappeler les coordonnées de cette entreprise, en fait, de cet organisme qui aujourd'hui promeut ce type de produit, hein, si tu le veux bien. Oui. Parce qu'il ne faut pas que tu sois venu uniquement pour faire la promotion du produit et que les gens ne sachent pas où le trouver. Voilà. Ben, ça serait qu'une information partielle. Alors, on nous trouve sur le site internet qui est arcans.fr, donc arcans, comme je disais, A-R-K-A-N-S, S comme Sierra, ok. Et on peut aussi nous contacter par mail, donc c'est arcans.fr@gmail.com. Et puis, on peut trouver les dépliants de votre organisme. On est en train de les distribuer, là. Oui, j'en ai vu passer un. Ouais. J'avais malheureusement pas devant les yeux. J'aurais pu faire quelques commentaires parce que je l'ai oublié chez moi. Mais je pense que là aussi, pour ceux qui veulent s'informer, donc vous distribuez. On est en train de prendre des contacts. Voilà, on est en train de prendre des contacts avec des monteurs, des poseurs de terrasses qui acceptent d'être affiliés à Arcans, parce qu'ils vont connaître notre matériel, ils sauront comment ça se pose, ils sauront exactement comment on peut jouer les garanties s'il y a un problème. Et tous ces monteurs et poseurs de terrasses, ainsi que ces architectes paysagistes, sont déjà en possession de vos dépliants. Voilà, il y en a certains déjà qui sont en possession de nos dépliants. Donc on peut les trouver aussi peut-être dans les magasins de bricolage pour celui qui certains magasins de bricolage. Parce qu'on ne travaille pas avec la très grande distribution qui pense qu'à la limite, le produit, ils n'en ont rien à faire. Ce qu'ils veulent, c'est faire de la marge et du chiffre. Et puis, jour où ça ne va pas, même si votre produit est le meilleur du monde, il vous balance. Donc ça, ce n'est pas vraiment une solution. Mais il y a quand même de bons distributeurs. Il y en a quand même qui sont très bien. Ok. En sachant bien aussi que ce type de produit peut servir pour des bardages et de l'isolation. Pour des bardages et de l'isolation, tout à fait. Donc quand même, c'est un produit qui peut être polyvalent, même s'il n'est pas utilisé pour le moment dans ce type de... Si, voilà. Il y a un groupement d'architectes qui se trouve du côté de La Rochelle qui l'avait utilisé parce qu'il avait fallu qu'on valide des essais. Ils l'ont utilisé effectivement donc de la terrasse pour faire du bardage. Et au bout de 8 mois ou un an, ils nous ont rappelé en disant, écoutez, il n'y a rien. Ça n'a pas bougé, ça tient absolument bien. Et donc on peut donner on peut décerner un trophée de confiance à ce produit. Et c'est ce qui nous a motivés pour avancer et puis se lancer dans la fabrication d'abord au Vietnam et puis la commercialisation ici en France. Voilà. Mais bon, comme je le disais, tout ce qui est nouveau, les gens sont un petit peu méfiants. C'est comme les antibiotiques. Hein. À l'heure actuelle, tout le monde est méfiant vis-à-vis de ça. Hein. puis il faut toujours espérer quand même que ce produit soit bien étudié pour que justement ne pas créer des nuisances. L'avantage qu'on a en utilisant de la balle de riz, c'est que Des produits entièrement recyclables. Ils sont recyclables. Bien sûr que c'est des produits entièrement recyclables. Voilà. Et ça, c'est des produits qui tiennent très bien dans le temps. Qui durent dans le temps. Une terrasse sur nos produits. C'est bien au-delà de 10 ans. On peut escompter au moins 15, voire même 20 ans. Alors que le bois, c'est beaucoup moins. Ah oui, non, mais le bois n'a pas. On n'est pas dans la même cour, là. Hein. On n'est pas dans la même cour. Mais bon, c'est autre chose. Le bois a ses attraits et les lames que nous commercialisons, c'est autre chose. C'est différent. Vous savez, on ne peut pas comparer une Dechaux avec une Ferrari. Hein. Voilà. Voilà. Même si tous les deux y roulent, l'usage n'est pas le même. Voilà. Merci François de nous avoir informés sur ce produit qui est novateur. Et puis bien sûr, notre radio locale se fait un peu le relais puisque tout ce qui peut être novateur, effectivement, nous intéresse. Surtout si c'est si c'est un produit qui a quand même un but un peu plus écologique que d'abattre des arbres en forêt. Voilà. Mais comme on l'a mis dans la documentation, c'est écologique, recyclable et durable. Ce produit, quand il arrive en fin de vie, même si un jour vous faites une terrasse avec nos lames et puis que vous dites, tiens, la couleur ça me plaît pas ou la disposition ça me plaît plus, je vais la changer, aucun problème. Ça se recycle sans aucun problème. C'est écologique, c'est recyclable, c'est durable, ça tient le coup dans le temps. On a fait faire une étude de vieillissement auprès du groupement Plastinov, qui fait partie de l'IUT Moselle. Et Plastinov a fait une étude avec ce qu'on appelle... j'ai plus de nom en tête, là, lampes pour voir comment sont captés les UV, et on leur a mis à peu près une vieillesse de 5 années, et il n'y a pratiquement pas eu de décoloration. Pratiquement pas, même pas. À l'œil nu, on voit rien. Mais bon, il a fallu mettre au point une formule qui fasse que le produit tienne bien sous le soleil. Parce que bon, c'est quand même, les lames en cause de riz, c'est quand même dehors, donc ça subit tous les aléas du climat, ben, il faut que ça résiste. Hein, vous savez, comme la station spatiale, l'ISS, hein, ben, là, il faut qu'elle résiste à pas mal de choses. Mais bon, on n'a pas encore réussi à leur vendre nos lames en cause de riz. Hein. Voilà. Eh bien, merci François. Et puis peut-être à une prochaine émission, hein, un prochain rendez-vous autour des micros d'RGM. Pourquoi pas hein, pourquoi pas, quand le produit sera lancé, pour voir un petit peu. Il commence à être lancé. Il commence à être lancé. Mais bon. Quand le produit est bien lancé, pour voir exactement ben, l'impact que ça peut avoir sur. Sur l'environnement, sur tout ce qui concerne bien sûr la vente et la commercialisation de ce produit à base de cause de riz. Merci. On va s'accorder une grande pause musicale parce qu'on va faire la place à nos amis qui participent en ce moment à l'opération Gilets jaunes. Merci François. Non, prie. Eh bien voilà, nous reprenons le cours de l'émission La Parole est à vous, avec les Gilets jaunes cette fois-ci. Alors les Gilets jaunes qui sont installés au carrefour de le syndicat, Hein, vous n'êtes pas obligé non plus de donner vos noms, hein, c'est pas un problème. Ou bien si vous voulez rester anonyme, si vous voulez ne pas rester anonyme, vous pouvez aussi vous présenter. Voilà, je voudrais faire le point avec vous sur ces actions, et puis en particulier sur celle qui s'est déroulée, qui se déroule toujours, il faut le dire, au carrefour du Pont de Cleury, hein, c'est vrai, non, au syndicat. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé déjà d'abord à aller à ce carrefour-là, hein, à rejoindre différentes une composition assez large de la population, hein, à savoir un peu toutes les classes d'âge, un peu toutes les catégories sociales. Un ras-le-bol général. Mais encore. Je pense que voilà, il y en a marre de se faire entuber, ça fait X temps. On nous prend pour des demeurés, des Gaulois, enfin, on a tout entendu. Et ben, moi, je me dis aujourd'hui, il est temps qu'on sorte dans la rue. Et il ne faut pas lâcher, surtout. Le Gaulois réfractaire est en place maintenant. Ouais. Voilà. On reprend la devise d'une certaine personne. Qu'est-ce qui depuis, parce que je pense quand même que, pour avoir pas mal discuté en tant qu'animateur de radio, mais en tant que participant, je veux te dire, à ces manifestations, quand j'ai accompagné ces manifestations, j'ai eu l'impression véritablement que ce ras-le-bol général a été suscité par un an et demi de politique macronienne qui a irrité les gens de plus en plus, quoi. Hein, et puis surtout qui a appauvri toutes les classes sociales. Oui, de toute façon, ce qui se passe maintenant, c'est le ruissellement de déjà un quinquennat qui a quand même fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Et, comme par exemple, dis-toi un peu casser la loi du travail, les réformes sur la santé, et puis il y en a d'autres qui sont arrivées encore, qui sont encore pires. Je pense que le gouvernement qui est en place là n'est que la suite de celui qui était derrière. Donc... on a des gens qui appliquent des trucs, qui nous expliquent rien. C'est « vas-y, je te ponds des taxes et je te ponds des taxes ». Les gens derrière, ils en ont déjà marre des taxes. Ça fait un moment que les gens, ça les gonfle. En fin de compte, que ce soit droite ou gauche, on revient toujours à la même chose. Ils nous pondent des trucs, ils se débarrassent, point final. Ils gèrent les trucs que par des décrets. Les gens sont à la gorge maintenant, il ne faut pas se faire d'illusions. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, rester dans leur position, les gens... Mon avis à moi, sont dans la même position. Moi, je suis déjà déterminé à aller jusqu'au bout. T'as combien de revenus par mois, par exemple ? Mon revenu par mois ? Merci, le gouvernement d'avant, ils m'ont mis dans les ASS. Je devrais être à la retraite à l'heure actuelle. Mais comme j'ai été malade, tant pis pour moi. C'est-à-dire 500 euros par mois ? Voilà, un petit peu moins de 500 euros. Et il faut vivre maintenant 4 semaines et demie à 5 semaines, suivant les mois, un mois sur deux, il faut vivre 5 semaines avec 480 euros par mois, en attendant ma retraite. Ça fait plaisir quand on sait qu'on travaille depuis l'âge de 14 ans et demi. Ça a déjà été ça. Après, il y a d'autres choses qui sont venues. Et maintenant, vous arrivez au 10 du mois avec... pourtant, je suis seul. Hein. Est-ce que tu peux encore entretenir un véhicule aujourd'hui non, tes revenus ? Avec mes revenus, je vais vous expliquer. J'ai une voiture qui a 25 ans d'âge, que je voulais garder parce que c'est une relique que j'aime bien. Et il fallait qu'elle passe au contrôle technique. Et j'avais des frais à faire, j'avais en gros 300-350 euros pour refaire tous les freins complets. J'ai mis 3 mois pour les refaire. J'ai fait des sacrifices. Au 20 du mois, je mangeais... Y compris sur l'alimentation. Eh oui, je mangeais un sachet de purée par jour pendant 10 jours, depuis le 20 du mois. Et encore parce que j'ai demandé des aides d'urgence au Resto du Cœur, qui m'ont dit combien vous me faire un petit sachet pour finir les semaines, mais trois derniers mois, j'ai fini avec un sachet de purée par jour, et ça, ils n'ont pas l'air de s'en rendre compte. Alors, il y a un moment donné, quand vous êtes dans une situation que vous n'auriez pas dû être, à mon âge, et arrivé à ce truc-là, vous dites, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Quand le truc des syndicats, l'appel des syndicats, des gilets jaunes est arrivé, je me suis dit, c'est que vraiment il y a quelque chose. J'ai dit à un moment donné, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Ça m'a pris de court, les gilets jaunes. J'ai dit, je vais faire les gilets. Voilà. Parce que j'en ai vraiment ras-le-bol. Ok, qu'est-ce que tu penses de tous ces journalistes, ces commentateurs, le pouvoir en place qui parlent de poujadisme, Ils peuvent parler de ce qu'ils veulent. C'est les gens qui parlent pour l'instant. Il n'y a pas de poujadisme, il n'y a rien du tout. C'est des gens qui causent. Ils vivent une situation au jour le jour. C'est le ventre qui parle. C'est le ventre qui parle. Les gens en ont marre. C'est le ventre et le cœur qui parlent. Les gens en ont marre. S'il faut vivre pour rester chez soi... Survivre. Ou survivre. Oui, on va dire survivre. pour rester, sortir du boulot, rester chez soi, bras croisés, non, c'est pas une vie. On n'est pas venu sur Terre pour, entre parenthèses, se faire chier pour le bien de certains qui est en haut, qui se grattent les couilles, comme on peut dire. Hein, parce que c'est l'époque qui est comme ça. Donc il y a des choses qu'il faut... Il y a aussi des normes. Tu penses qu'il y a aussi d'énormes inégalités dans notre société. Il y a des énormes inégalités. Je pense que personne n'a rien contre les gens qui gagnent des sous. Il y a des gens qui ont tout fait pour gagner des sous. C'est un fait. Vous avez des entreprises qui font tout pour gagner des sous. Et c'est tout à fait normal, qui payent leurs gens. Mais si vous les assassinez, qu'est-ce qu'on va devenir, nous ? Par contre, vous en avez d'autres qui se goinfrent sur le dos des autres. Et c'est là que ça pêche. C'est un système qui ne va plus, ça. Il y a des gens qui ont tout fait pour gagner leur croûte, qui font travailler des gens pour qu'ils gagnent leur croûte. Cela, faut les entretenir. Par contre, tous ceux qui viennent graviter autour juste pour se faire du pognon et se barrer à droite à gauche... Les actionnaires des grandes entreprises, par exemple. Voilà. Les spéculateurs... On parlera. De toute façon, moi, je suis... Là, on a un gouvernement essentiellement de la finance, quoi. Voilà. Qui part assez loin du peuple. Voilà. Et quand on parle de lobby, tous ces lobbies-là, il ne faut plus que ça existe. C'est ça qu'il faut... La merde, entre parenthèses. Pour moi, c'est mon avis. Il faut que la société, elle change. C'est sûr qu'il faut la pollution, tout ça. Il y a des trucs, des choses à faire, c'est sûr. Mais vous ne pouvez pas vous en prendre directement aux gens en leur disant il va falloir encore vous sacrifier, acheter, alors qu'il y a plus de... Il faudrait que les gens achètent et il n'y a plus rien. Et puis sur, c'est vrai que sur les barrages, quand on entend les gens discuter, c'est tout sauf le soutien d'un certain capitalisme, c'est tout sauf le soutien, c'est tout sauf du poujadisme, parce qu'on s'aperçoit bien que ceux qui sont là, la plupart du temps, c'est leur budget quotidien, oui. qui sont obérés par les mesures, oui, qui sont prises actuellement, et qui ne datent pas de la seule hausse des carburants. Oui, sont déjà, faut pas croire que c'est que le Moi, je vais vous dire une chose. Déjà, ce que j'aimerais avoir, c'est un gouvernement qui nous disent, voilà l'état du pays, en parlant d'ASECU, nanana, nous faire simplement un graphisme, avec des sommes, des vérités, pas des mensonges, des vérités. Dire, voilà, il y a ça, il y a ça et ça, il faut qu'on trouve cet argent-là et cet argent-là. Tant que vous ne mettrez pas les choses au clair avec les gens, ça n'ira pas. Là, ça fait 30 ans qu'on nous roule dans la farine, qu'on raconte des conneries, on ne sait pas l'argent où il va, on arrive à acheter des trucs à 500 000 euros, 50 000 euros à droite, on se fait des augmentations en veux-tu en voilà, au bout de 2 mois de Sénat, on se fait des augmentations de je ne sais pas combien de milliers d'euros, et puis à côté, on voit ça, et puis il faudrait que ça soit tout à fait normal. Il faut que ces gens-là arrêtent de se foutre de la gueule du monde. Oui, c'est ça que l'exemple devrait venir d'en haut. L'exemple devrait venir d'en haut. Mais tant qu'il y aura à se goinfrer, il y en a qui se partageront et qui voudront se taper dans le gâteau. Voilà. Parce que des gilets jaunes, il n'y en a peut-être pas beaucoup, comme il dit le gouvernement. Mais il y en a beaucoup qui nous soutiennent. Il ne faut pas qu'ils se trompent de route. C'est ce que j'ai pu constater pour un accompagnement sur les barrages. Il ne faut pas qu'ils se trompent de route. La grande majorité des gens soutiennent. D'ailleurs, c'est révélateur par les sondages actuels. Hein. C'est-à-dire les trois quarts de la population soutiennent les gilets jaunes parce qu'ils en ont ras-le-bol de la politique Macron qui accentue les inégalités. Les gens ne veulent pas mettre de gilets jaunes par crainte ou parce qu'ils n'ont pas le temps. Ou parce qu'ils tout simplement ils veulent pas, mais bon, ils partagent l'idée quand même. Voilà. Après, on n'a jamais 100% de personnes qui sont avec nous. Bon, vous avez des gens qui veulent rien voir. Ben, ma foi, c'est leurs opinions, tant mieux pour eux. Nous, notre mouvement, c'est de faire quelque chose de tranquille. Voilà. D'exprimer qu'il y a un ras-le-bol, on occupera, on fera ralentira des choses. Après, il y a d'autres. Alors là, j'ai pu constater personnellement qu'il y avait à peu près 300 personnes au carrefour du syndicat, oui. 300-400 personnes environ aux heures de pointe, j'allais dire. Voilà, hein, parce que on n'est pas arrivé en même temps, il y a un turnover aussi qui se passe forcément. Parce que tenir une journée dans le froid, j'ai vu ce que c'était, à midi j'ai renoncé. Ça fait samedi et dimanche, j'ai passé depuis 7h du matin jusqu'à 5h le soir. Ah, c'est courageux. Voilà. C'est pour ça qu'on fait des appels. Je suis même venu à pied de chez moi, je fais 2 km à pied, avec des problèmes de dos en plus. Pour participer, j'ai dit je veux aller à Stuttgart et j'y vais. Voilà, parce que j'ai même plus un rond pour foutre de l'essence dans la voiture. Ben oui, puisque le peu qui me reste, c'est pour acheter les 2-3 bricoles qu'il faut pour finir le mois pour manger. Bien sûr. Un petit complément, ne serait-ce qu'un paquet de gruyère ou un truc comme ça. Ah, vous voyez, quand vous êtes rendu à ce truc-là, pourtant j'étais pas feignant, j'aimerais bien bosser, mais bon, je peux pas. Ah oui, mais aujourd'hui c'est vrai que... Puis 62 et ans... Puis il y a le côté que tu n'as pas tout à fait abordé, parce que... Peut-être que nos interlocuteurs, là, nos invités vont aborder aussi, c'est quand même la désertification de nos vallées. Hein, je fais partie d'une association qui s'appelle ADEMAT, Et quand on dit, mais regardez voir un peu l'accès aux soins, on s'éloigne de plus en plus des usagers, hein, oui. des patients. Et puis les gens vont être obligés d'aller à Épinal, à Nancy, etc., etc. Oui, mais... puisqu'ici il y aura presque plus rien, quoi, à terme. On nous rigole au nez, hein. Oui. On nous rigole au nez. Oui, mais... On dit l'argument écologique, ah, c'est pas vraiment l'argument à mettre, n'importe quoi, mais bon sang. Quand des familles vont voir quelqu'un à la maternité, la fille, la conjointe à la maternité, que sais-je encore, c'est sûr qu'ils dépensent pas mal de carburant. Hein. On va visiter un patient à Épinal ou à Nancy. Pour bosser. C'est énorme, hein, c'est énorme. Le temps perdu, le carburant. Je vais vous reprendre un peu sur un truc parce que vous avez. Bosser 45 km pour aller bosser. Ouais. Bon, bah, tu fais 45 km pour aller bosser aujourd'hui. Jeune homme, voilà. Pareil. Hein. Donc voilà. Je vais vous reprendre sur un petit... Et ça, c'est incompressible pour vous. Ah ben, on n'a pas le choix. Je vais reprendre sur un petit truc. Vous faites le calcul sur un mois, quand ça on fait regarde un budget bien, cette politique, de 400 euros elle minimum. Depuis longtemps. Cette politique, elle évolue depuis longtemps. Ça, je suis d'accord. Elle a été en augmentant dans le temps. C'est-à-dire une centralisation des... Quand vous regardez, par exemple, les pays agricoles, moi, l'agriculture, quand vous regardez, il y a une époque, moi, j'ai commencé petit, vous aviez des petits paysans dans les villages. Vous aviez le gars, il allait faire son boulot, il avait ses 15-20 vaches qui traillaient le soir, qui s'occupaient avec quelques poules. Le soir, le week-end, vous pouviez aller acheter le lapin ou le truc comme ça chez eux. Ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont arrivé à faire disparaître ces gens-là, faire des comices agricoles. Parce que les paysans n'y arrivaient plus, ils se sont réunis. Et d'ici quelques années, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont tellement arranger les choses que les comices agricoles n'arriveront plus à tenir. Eh bien, ça va être des lobbies qui vont foutre la main dessus. Et qu'est-ce qui va se passer après ? On voit aujourd'hui des lobbies qui investissent dans l'agriculture. Ils vont avoir la main mise sur le tuyau de la nourriture. Ils vont dire maintenant, tu bosses à ce prix-là, autrement tu ne bouffes pas. C'est ce qui va se passer. Et c'est ça qu'il faut défendre. Il faut arrêter ça. L'agro-business. D'une manière ou d'une autre, il va falloir l'arrêter. Moi, c'est mon avis. Je ne dis pas que c'est l'avis de tout le monde, mais pour moi, il va falloir l'arrêter. Et puis, pas à leur façon, à la façon du peuple. Voilà. Voilà. On donne la parole à d'autres, hein, si vous voulez prendre la parole. Ton opinion ? J'en ai ras-le-bol. Parce que bosser 35 heures, voire 40 heures par semaine pour gagner un SMIC, puis faire que de payer, on en a marre. C'est pour ça qu'il faut se mobiliser nombreux. Tu disais que tu travailles à 45 km de chez toi ? Je travaille aller-retour, j'ai 50 km. 50 km. Alors, je suis obligé de rester manger. Et t'as déjà calculé le prix de revient, ton prix de revient par rapport à ça, par rapport au tarif à impôt, en gros, non ? Comment ça ? Ah ben oui, parce que sur la feuille d'impôt, enfin maintenant, il y aura de moins en moins de déclarations, hein, puisque ce sera l'impôt à la source, il y a l'évaluation des frais kilométriques selon le véhicule. Hein, oui. C'est-à-dire, c'est à peu près, disons, pour un petit véhicule, 50 centimes du kilomètre. Moi, j'ai 5 000 euros. 5 000 euros par an ? De frais. Oui, environ ça. Moi aussi. C'est à peu près ça. C'est environ 5 000 euros de frais par an. Alors, qu'est-ce que tu penses ? Sur les salaires, on n'a rien de plus. On paye le gasoil plus cher. On paye les assurances, il y a tout qui augmente. C'est pas fini, hein ? Oui, c'est pas fini. En plus. Les mutuelles à cause du désengagement de la sécurité sociale. Les mutuelles qu'on est obligé de prendre à l'entreprise. Ça, c'est pareil, ça va être une sacrée. Il va falloir être en bonne santé, hein, parce que... Maintenant, on travaille pour payer. Moi, je pense que bientôt, on va nous donner une balle, vous voyez. On va donner aux gens, on va leur donner une cartouche, mais on va leur dire, je ne vous donne pas le revolver. Par contre, le jour où vous avez envie de tirer une balle, vous démerdez, vous allez chercher le pistolet et vous en tirez une. Moi, je pense que le système, il est fait pour que ça arrive comme ça. Voilà. Comme tout le monde, on a des crédits voiture, on a des crédits maison, donc on est obligé de bosser. Et puis, à côté de ça, une fois nos crédits payés et tout ce qu'on a à payer, il ne nous reste plus rien. On ne peut même plus en profiter. Il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de possibilité de loisirs. Non, il n'y a plus de vacances. Il n'y a plus que le travail, et puis rentrer, dormir, et puis aller retravailler pour survivre. Quoi. Un boyau, ce qu'on appelle un boyau, tu manges, tu fais, et puis ça suffit. Tu as consommé. J'ai une fille, elle a 5 ans, je ne peux pas l'emmener en vacances, je ne peux pas faire tout ce que je voudrais faire avec. Malgré les aides qu'il peut y avoir ici et là, qui sont souvent réservées beaucoup plus aux citadins qu'aux gens de la campagne, parce que bien sûr, on est toujours un peu au-dessus des revenus, on est toujours un peu... Il manque toujours un peu quelque chose, quoi. Oui, il baisse le seuil. APL, il baisse le seuil pour qu'on soit à la limite et puis qu'on touche plus rien. Il trouve toujours des magouilles pour. C'est une aberration aussi, la baisse des APL. On voit l'exemple à Marseille où ça tout tombe bien. J'ai l'impression que ça dégringolade de beaucoup de choses. C'est surtout révélateur d'une société. Voilà, les vendeurs de sommeil, comme on dit. C'est des gens quand même qui touchaient les APL au maximum. Je donne un exemple, je ne dis pas qu'il est juste, mais c'est ce que je pense. Qui demandaient certainement 700 ou 800 euros pour un taudis, qui touchaient le maximum, les propriétaires touchaient le maximum des APL, c'est qui doit être à 500 euros. Et payer le restant, c'est le propriétaire. C'est là-dessus qu'il faut faire sur les propriétaires dans les grandes villes qui font des loyers extravagants, les histoires d'immobilier, les agences immobilières et tout ça, les promoteurs, c'est eux qu'il faut saquer un peu. Parce que ces gens-là, ils se font du fric et ils font chier les gens. Ça fait des années qu'on en parle, des promoteurs ci, des promoteurs ça. Tant que vous ne leur serrez pas le nez, ils ne bougeront pas, ils continueront leur petite merde. On peut penser qu'ils sont du bon côté de la barricade, j'allais dire. Eh bien oui, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du bon côté de la barricade et qu'il faudrait qu'ils reviennent un peu dans le droit chemin. En vrai. Oui. Hein? Parce qu'il a gagné sa vie, faire du fric, ok, mais à un moment donné, quand le système y merde, il doit merder pour tout le monde. Alors, on ne gagne pas de fric, mais on gagne sa croûte. Et quand il y aura la possibilité de regagner du fric, eh bien on gagnera du fric. Les retraités parmi nous ? Oui, mais moi, presque. Alors, qu'est-ce que tu penses un peu de cette situation aujourd'hui? Pourquoi tu es sur les... Parce que ras-le-bol de l'augmentation du carburant, et la CSG, tout augmente. Par contre, Macron, il sucre. La CSG, elle a augmenté, elle a baissé. Oui, vous regardez. Oui, elle a augmenté, la retraite a baissé, pardon. Même, oui. Même la vie a augmenté, oui, c'est vrai. Dans les magasins, même dans les grandes surfaces, les petits prix, ce qu'on appelle les produits bas de gamme, vous en avez de moins en moins. Vous en avez de moins en moins, moi c'est ce que j'ai remarqué. Et puis ils sont quand même d'une médiocre qualité, là. Oui, mais quand vous n'avez pas les moyens de vous payer une boîte de pâté d'une marque qui est certainement de meilleure qualité que vous allez prendre, celle qui est faite avec des trucs un peu moindres, ben oui. Il faut manger, il faut avoir faim, quoi. Au Lidl, quand on va à Coran, c'est pour avoir aller voir dans les rayons voir ce qui est de moins cher. Dans les rayons date courte, c'est 30% moins cher. Et puis en plus, au Lidl, je ne sais pas ce qu'ils me sortent, mais au Lidl, ils font des cagettes à 1 euro, avec des fruits, des légumes, qui certes sont un peu passés, mais ils sont encore consommables. Ouais, mais enfin, c'est grave quand même. Arriver à vos âges, avoir bossé toute votre vie, et puis en arriver là, je me dis, c'est quand même terrible, quoi. Voilà. Alors imaginez tous les gosses, là, qu'est-ce qu'ils vont devenir. Même les retraités, ils n'ont plus les moyens. Ah oui, en couple. J'ai calculé qu'avec toutes les mesures récentes, quand on met tout, et non pas parce que les médias ont tendance à saucissonner les problèmes, hein, à faire apparaître un problème et puis un autre, et puis etc., à ne pas globaliser les problèmes, j'ai calculé que j'avais à peu près 150 euros par mois sur la retraite, avec les différentes augmentations qu'il y avait. Hein. CSG, le carburant, et quand je roule, la plupart du temps, je ne roule pas pour moi. Je roule justement pour assurer mes émissions. Je roule pour aider des voisins qui n'ont pas de véhicule, etc., etc. Des gens qui n'ont pas les moyens de se déplacer. Quand on met l'augmentation forcément des prix des mutuelles, puisque de toute façon, il y a des engagements de plus en plus de la sécurité sociale, hein, d'assurance maladie. Il y a des dépassements d'honoraires, etc. Quand on... Je calcule en tout le prix de l'électricité, les augmentations diverses, 150 euros de moins par mois. Et je n'ai pas vu ma retraite augmenter depuis des années. Hein. Voilà. Et c'est pas fini. Des années. La retraite, hein. Oui, ça fait des années. Même pratiquement, c'est 0,5. Autant dire que ça représente rien du tout. C'est pas fini. 7 centimes le gasoil qui va augmenter en janvier. Il va augmenter tous les ans jusqu'en 2022. On va arriver à je ne sais pas combien de litres, puis il faudra toujours payer, puis nous, au final, on n'aura rien de plus. Alors qu'est-ce que vous pensez des mesures, des 4000 euros pour un véhicule? Si les gens n'ont pas d'argent, ils donnent 4000 pour acheter une voiture à 20 000, Où c'est qu'ils vont être piochés, les autres 15 000 dans le salaire? Les gens, ils ont juste de quoi vivre. Ils n'ont pas envie de se faire un crédit pour ne plus arriver à le payer. Alors, ils ne pourront pas obtenir un crédit. Et puis, se retrouver avec l'huissier, puis se retrouver avec... Ah, c'est bon, quoi. Ils rêvent tout debout, quoi. Qu'est-ce qu'ils croient? Que les gens... les gens qui peuvent acheter une voiture, leur dire dans 4 ans, votre voiture, elle n'est pas bonne, il faut la virer, les contrôles techniques, ils vont changer. C'est plus bon, il faut redescendre. Il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils prennent quelque chose de plus radical et plus... Ben, ils sont payés pour. Hein. Les voitures électriques, on parle de ça. Les voitures électriques, elles vont polluer encore plus, parce qu'il y aura les batteries. C'est-à-dire que ce serait une pollution indirecte. Oui, c'est une pollution indirecte, peut-être, mais c'est quand même une pollution. Parce que le recyclage des batteries n'est pas assuré actuellement. Il n'y a que ça. N'est pas assuré à 100% actuellement. Oui. Il y a le moteur à eau. Pourquoi ils ne font pas le moteur à eau? Il existe. Mais il n'y a rien à gagner. Ouais. Sinon, tu peux dire, quand c'est pour la voiture, un peu. Et puis, c'est vrai que si tout le monde se met à l'électrique, il faudrait 6 centrales nucléaires de plus. Hein, donc, on est pourtant des problèmes écologiques, purement et simplement. Si on est pour la voiture électrique, on est pour le nucléaire. On ne sait pas quoi foutre, comment balancer dans les océans. Après, ou dans des caves souterraines. À Bure en particulier. Voilà, pour qu'un jour ça nous pète à la gueule. Oui, parce que il faut arrêter. Et à un moment donné, de toute façon, ça va plus. Il faut arrêter de polluer. Il faut trouver des. On les a, les solutions. Les solutions existent. Mais tant que vous en aurez derrière qui ne veulent pas lâcher parce que. Les lobbies des multinationales. Ben, on n'y peut rien parce que nous, on sera les premiers touchés. S'ils font chier, on sera encore les premiers à bouffer aussi. Hein. Voilà. Donc, il y a un moment. Moi, je pense que de toute façon, ça ne va pas aller en s'améliorant. À part aller dans la rue, il n'y a que ça à faire. De toute façon, on constate une chose, on peut constater une chose, hein, je ne sais pas, c'est mon opinion, mais je la livre aussi à nos auditeurs, c'est que les grands rassemblements qu'il y a pu avoir contre la loi travail, contre tous les mauvais coups qu'il y a pu avoir contre les salariés en particulier, contre les retraités aussi, hein, l'augmentation de la CSG, alors que l'accès aux soins, la fermeture des services dans les hôpitaux, etc., on a l'impression que ça a mobilisé pas mal de monde, mais il y a beaucoup de personnes non plus qui ne peuvent pas faire le luxe de faire grève aujourd'hui. Hein, parce que c'est vrai que là, c'est surtout une manifestation de tout le monde, mais ceux qui ne peuvent pas faire grève, ben, ils viennent le week-end, s'ils ne travaillent pas, c'est comme ça sur les barrages, parce que 50 euros de moins par mois, ça déséquilibre complètement un budget. Voilà, ben on arrive au terme. Je vais vous donner la parole. Juste un petit message. On voudrait faire un appel à toutes les personnes qu'il faut venir rejoindre les Gilets jaunes. Il faut rester pacifique. On va parler du syndicat puis de Remiremont. Voilà. Hein, pour ce qui nous concerne. Syndicat, voilà. Ah, parce que nous devons écouter là-dessus. On est là pour défendre nos droits, pour tous les retraités, tous nos jeunes. On tient à remercier quand même toutes les personnes qui nous ont distribué des vivres. Merci à tous les Gilets jaunes qui prennent du temps sur eux afin de pouvoir tenir le plus longtemps possible. On compte sur vous. Enfin, vous venez nous joindre. Et tous les venez dons. Nombreux. Tout le monde est accepté. Voilà. Même après le travail. Je peux vous assurer que notre même local une heure vous pour la venir. Chaque fois que vous voudrez la prendre. Nous ramener des palettes, ramener des trucs à manger, à boire pour ceux qui restent la nuit aussi. Et qu'il y ait de la tolérance. Beaucoup de tolérance. C'est un gros problème. On est là certainement pour gêner les gens. On va gêner des gens, c'est un fait. On n'est pas là pour se faire savoir. On nous fait bien savoir. Mais il faut savoir que ce qui est entamé là, c'est pour tout le monde. Oui. C'est pour tout le monde. Voilà. Oui, chacun y trouvera son compte. Voilà. Désolé, en tout cas, merci Radio Guémozo de nous avoir accordé un petit moment pour qu'on puisse... Et puis rester à notre écoute, bien entendu. Merci à vous aussi d'avoir bonne mobilisation. Bonne mobilisation à tout le monde. À très bientôt. À très bientôt. Bonne mobilisation. Bon.